Vous êtes sur CKUT 90.3, vous écoutez donc Amandla, l'émission hebdomadaire d'information bilingue sur l'Afrique produite par le Grila. Je reçois aujourd'hui Sylvain L'Espérance. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un auteur et réalisateur québécois, actif depuis une vingtaine d'années. Donc après avoir fondé la maison de production Les Films du Tricycle avec Lucie Lambert et Pierre Marié en 91, vous avez réalisé plusieurs films documentaires dont certains sont consacrés à l'Afrique de l'Ouest. Alors en 2002, vous avez reçu le prix du meilleur documentaire canadien au 19e Festival Vue d'Afrique. C'était pour La Main Invisible. Donc un film qui montre d'un côté le processus d'extraction de la bauxite en Guinée jusqu'aux entrepôts des usines d'Alcan au Québec et de l'autre côté la vie des artisans et d'une troupe de danseurs guinéens. En 2006, vous réalisez Un fleuve humain qui relate l'organisation sociale et les conditions de vie des habitants du delta du fleuve Niger au Mali. Alors dans ce film qui avait été projeté lors du Festival Nomade de Montréal chez Atig en décembre 2011, j'avais trouvé un croisement intéressant entre la tradition du film documentaire telle que vous la concevez et la tradition orale du griot. Puisque dans ce film, en fait, vous y abordiez le thème de la transmission culturelle et intergénérationnelle et vous montriez aussi comment la vie des pêcheurs maliens est bouleversée par les effets de la mondialisation et des changements climatiques. Ensuite, en 2010, vous avez sorti la suite de ce film qui s'appelle donc Intérieur du Delta. Et enfin, donc aujourd'hui, je vous invite pour parler de votre dernière production à laquelle j'ai eu le privilège d'assister avant la sortie officielle. Donc sur le rivage du monde, il s'agit d'un film dans lequel vous suivez un petit groupe de jeunes Africains, principalement des Camerounais, qui ont donc essayé à plusieurs reprises de gagner l'Europe ou l'Afrique du Nord avant d'être refoulés sur Bamako. Alors la première question que je voudrais vous poser, Sylvain, c'est par rapport à vos précédentes productions, comment vous est venue l'idée de réaliser ce dernier film? Également, comment s'est déroulé le tournage à Bamako? Alors, dans les multiples voyages que j'ai faits au Mali, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de croiser ces jeunes, parfois maliens, mais aussi d'autres nationalités qui cherchaient à quitter vers l'Europe. Donc, petit à petit, au fil des voyages, la curiosité est devenue plus grande. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de pousser un peu plus loin la recherche. Et les gens que j'ai rencontrés en premier, c'est les gens de l'Association malienne des expulsés qui sont très actifs à Bamako et au Mali pour, d'une part, sensibiliser la population, parce qu'il y a un problème, disons, pour tous ces Maliens qui ont quitté leur village et qui sont refoulés soit d'Europe ou, avant même d'arriver en Europe, sont refoulés du Maghreb. Il y a pour les familles une... en fait, comme c'est pas pour les familles, pour eux-mêmes c'est un échec, mais pour les familles aussi. Donc, l'association vise d'une part à sensibiliser les familles face à cette situation-là, mais aussi le gouvernement malien qui, notamment en faisant des pressions pour que le gouvernement malien signe pas les accords de réadmission. Les accords de réadmission, c'est une politique qu'a tenté de mettre en place l'Union européenne avec divers pays africains pour faciliter la réadmission des Africains qu'on refoule vers l'Afrique. Donc, avec eux, j'ai pu faire, disons, connaître plus à fond la situation. Et c'est grâce à eux que je suis rentré en contact avec un groupe de Camerounais. En fait, il y a plusieurs collaborations entre l'AME et différentes associations à Bamako. Il faut dire qu'il y en a plus d'une centaine d'associations de migrants de différentes origines installées à Bamako. C'est que Bamako, c'est un carrefour par lequel transite la majorité des Africains qui tentent de se rendre vers l'Europe. Si c'est un carrefour, c'est parce que la situation géographique du Mali permet à la fois d'aller vers l'est, vers l'ouest et vers le nord. Et ça fait partie des routes qu'empruntent les migrants. Mais c'est aussi que le Mali est une terre d'accueil. C'est encore un pays, enfin jusqu'à tout récemment, là on pourra en parler un peu plus tard des changements qui ont eu lieu récemment, mais qui traditionnellement est un pays d'accueil où c'est facile pour les gens de voyager, de... Et donc, il y a au Mali depuis toujours des populations étrangères qui transitent pour soit aller vers le Maghreb ou même qui vivent à Bamako. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentré en contact là, avec les gens que j'ai filmés. Le tournage s'est fait petit à petit. C'était assez... contrairement au film que j'ai fait au Mali avant, où j'allais rencontrer des Maliens qui étaient des gens libres, qui vivaient dans leur pays, là, j'étais confronté à des gens qui ont subi toutes sortes de violences, violences qu'ils ont connues au cours de leur parcours. Et donc, ils étaient, ils avaient des réticences à l'égard de se faire filmer, de raconter leur histoire. Il faut dire que c'est des histoires assez troublante, dont on n'a pas nécessairement envie de faire la publicité. Donc, il y avait, un travail de confiance qui était plus long à gagner avec eux. Ça a pris plusieurs voyages, en fait, avant que vraiment s'installe un climat de confiance où j'ai pu sentir qu'on pouvait librement tourner. Très bien. Alors, sur le rivage du monde, donc le titre de votre prochain documentaire est très instructif puisqu'en fait, il permet de rappeler que le continent qui accueille aujourd'hui le plus grand nombre de réfugiés ou de personnes déplacées pour toutes sortes de motifs, c'est bel et bien l'Afrique. Alors, l'un des points de difficulté qui ressort de votre film, vous en parlez, c'est justement le sort des immigrés africains qui ne sont pas maliens, donc qui n'ont pas la nationalité malienne. Ils ne peuvent pas bénéficier aussi facilement des aides du gouvernement malien ni de la plupart des ONG. Cependant, donc, ces Africains bloqués à Bamako s'organisent et dans le générique de fin, donc, vous remerciez donc, effectivement l'association malienne des expulsés, également l'association des refoulés d'Afrique centrale au Mali. Donc, derrière ces associations, on devine également l'importance de l'économie informelle et des espaces de solidarité, puisqu'une partie du film est tournée dans un salon de coiffure camerounais. Il y a aussi dans votre film un lieu symbolique très important qui est le ghetto de Bamako, situé dans le quartier de Manyambougou. Alors le ghetto, je précise, il désigne en réalité le nom donné à une maison désaffectée de Bamako, dans laquelle plusieurs centaines de jeunes Africains refoulés sont venus se réfugier. Donc lorsque vous tournez le documentaire, le ghetto a été abandonné, mais César, l'un des personnages qui était chef de ghetto, nous raconte comment la vie était organisée à l'intérieur de cette maison. Il nous explique qu'il n'y avait pas d'eau ni d'électricité, que les migrants devaient payer un loyer pour dormir à 15 dans des petites chambres et qu'ils devaient subir l'arbitraire des autorités. Alors, en parallèle à ces conditions de vie inhumaines et dégradantes, vous soulignez la sociabilité, la solidarité entre ces Africains qui sont loin de chez eux et qui sont en même temps obligés d'organiser un quotidien afin de garder leur dignité. Alors, on trouve par exemple de la poésie, du chant, du sport et du théâtre dans plusieurs passages de votre film. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'intégrer ces formes artistiques dans l'écriture de votre documentaire? Je dois dire d'abord que la situation des migrants, dès qu'ils se regroupent, ils ont des revendications politiques qu'ils essaient de faire valoir, auprès de la société dans laquelle ils vivent. Et ce que le ghetto a permis, c'est vraiment de jeter les bases d'une des associations, la RACEM, qui permettait vraiment d'accueillir. Parce que la situation pour ceux qui sont refoulés, c'est vraiment de trouver en fait les bases nécessaires pour repartir, refaire leur vie, en fait, le temps qu'ils sont à Bamako. Donc, pendant plusieurs années, le ghetto a servi de base et a permis donc à l'articulation d'une pensée politique. Au moment où moi j'ai rencontré César, le ghetto était fermé. Pour toutes sortes de raisons, le propriétaire de l'immeuble a demandé aux gens de quitter. Donc, le ghetto était fermé et César restait seul comme, gardien de l'immeuble. Mais donc, dans ces années-là, où ils ont vécu dans le ghetto, ils ont tenté donc de faire valoir leur situation, de faire connaître leur situation. Puis le théâtre est vite devenu un des véhicules utilisés pour faire valoir cette situation-là. Il faut dire que le théâtre au Mali est présent, le théâtre de rue, et c'est quelque chose que les gens voient souvent. Il y a une tradition théâtrale, donc ils ont un peu emprunté cette tradition-là et tenté de faire connaître la situation en allant soit lorsqu'il y avait des rencontres autour de la migration ou, à chaque occasion qui leur était offerte, ils utilisaient ça. Donc, quand moi j'ai rencontré César, il m'a vite montré des DVD de pièces de théâtre qu'il avait fait, mais aussi donné accès à des poèmes qu'il avait écrits. Puis petit à petit, j'ai pensé que c'était qu'il y avait là une parole qui était originale, inédite, et j'ai décidé de travailler à partir de ce matériau-là, qui permettait d'aller un peu plus loin que le simple témoignage. J'avais, au cours de la recherche, j'avais rencontré plusieurs dizaines de migrants, et aussi terrible la situation qu'ils avaient vécue était. Il y avait quelque chose qui se ressemblait, qui se répétait d'un récit à l'autre. Alors que le théâtre permettait une mise en forme qui, pour moi, était riche, plus riche, et qui venait compléter le témoignage. Et donc, petit à petit, on a travaillé ensemble. En fait, il y avait aussi une occasion qui se présentait, c'est qu'il y avait, lors du dernier forum social qui avait lieu à Dakar, okay, il y avait une caravane qui passait par Bamako, et eux voulaient donc présenter leur pièce de théâtre. Donc, j'ai suivi j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Et puis, petit à petit, c'est aussi que, bon, quand la confiance s'est établie, puis qu'on a travaillé autour du théâtre, ben là, ils ont commencé à me montrer des poèmes qu'ils avaient écrits et tout ça. Donc, j'ai choisi d'intégrer ça dans le film. Cette parole est assez intéressante, puisque au début de votre documentaire, tous les personnages expriment leur amertume envers l'Europe, qui s'accapare les richesses de l'Afrique, mais qui refuse aux Africains le droit de circulation. Et à la fin, ils dénoncent également la soumission des dirigeants africains. Alors, je sais qu'entre la première et la deuxième version de votre film, je crois que vous avez supprimé un passage dans lequel vous expliquez quelles étaient les conséquences de la politique européenne de lutte contre l'immigration africaine. Mais au fur et à mesure du film, on comprend comment les circonstances de l'immigration clandestine africaine sont entretenues par le racket organisé au niveau des demandes de visa par les ambassades et les consulats des pays occidentaux en Afrique, puis comment les pays de transit sont invités à devenir les gendarmes au service de l'Europe. Donc le dilemme qui se pose un peu à Bamako, c'est de choisir entre reprendre la route vers l'Europe ou alors envisager de retourner dans son pays sans avoir fait fortune. Donc dans le film, justement, je note que vous n'intervenez qu'une seule fois pour demander à l'un des personnages la place de sa femme et de ses enfants dans son choix de repartir ou de revenir. Et justement, par rapport à ce discours sur la réussite économique et matérielle, j'aimerais votre avis sur le mythe de l'Eldorado ou de l'aventurier qui est finalement à l'origine de leur présence à Bamako. Comment se construit, dans le regard des Africains que vous avez rencontrés, ce rapport d'attraction et de répulsion vis-à-vis du monde occidental ? En fait, je pense qu'ils sont la plupart de ceux qui partent sont assez conscients de ce qui les attend. La question de la migration est inscrite depuis assez longtemps dans la réalité des migrants, que ils partent pas naïvement. Ils savent que la route va être difficile et aussi s'ils arrivent à traverser, ils savent aussi que c'est pas parce que tu traverses que c'est gagné, parce que déjà il y a plusieurs personnes qui sont refoulées. Donc quand on emprunte la route des migrants, il y a vraiment comme toute une communauté où l'information circule entre eux. Donc de ce point de vue-là, disons, il y a pas de naïveté. C'est pas un rêve, disons. Ils savent que ce rêve-là est difficile à atteindre, d'une part, et d'autre part, ils savent qu'une fois sur place, il y a rien de gagné. Mais ils ont le même désir que les jeunes, disons, occidentaux ont quand ils voyagent. Je veux dire, la plupart, si on prend ici au Québec, on a aussi envie de voyager, d'aller dans les pays africains. Nous, on y va facilement. Ils ont ce même désir-là de voyager. de César qui dit à un moment donné, si on bloquait pas les frontières, c'est le fait qu'on bloque les frontières qui rend l'Africain curieux. Donc, de ce point de vue-là, donc ils savent ce qui les attend, mais malgré tout, ils ont envie de partir. Et là, ce qui est difficile pour eux, c'est le fait d'être refoulé, de pas pouvoir repartir et de pas pouvoir rentrer. C'est vraiment là où cette situation-là, il la prévoyait pas, quoi. Justement, par rapport à vos voyages et vos expériences de tournage au milieu des populations maliennes du delta intérieur du Niger, j'imagine que vous devez avoir une réaction sur la situation actuelle qui prévaut dans cette région du Sahel. Alors, je sais également que vous suivez avec beaucoup d'attention le mouvement étudiant au Québec. Et dans ces différents contextes, j'aimerais savoir, selon vous, quel est le rôle que peut jouer le cinéma documentaire dans une situation de crise politique où la parole n'est pas toujours donnée aux populations? Bon, disons, dans une situation qui touche, par exemple, celle du Mali présentement, le documentaire trouve difficilement sa place par rapport à une situation de guerre. C'est-à-dire que la situation de guerre laisse pas beaucoup d'espace pour une parole libre. Donc, la situation actuelle du Mali va demander probablement qu'on y revienne sur une assez longue période. Être là au Mali présentement, bon, si on est à Bamako, ça va encore, mais si on est dans la partie nord du Mali, c'est vraiment pas évident d'être là et de donner la parole alors que la parole est presque interdite là aux populations. Là. Dans ce qui touche la situation actuelle au Québec, mais là, c'est quand même très différent parce que là, c'est une parole qui explose et qui explose dans un désir de liberté et qui peut s'exprimer librement. Donc, il y a vraiment un contexte très, très différent. Mais la place du documentaire par rapport à l'actualité, elle est tout le temps un peu en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On est face à l'actualité. La force du documentaire, c'est le temps qu'il donne. Donc, et souvent le documentaire est inactuel. Donc, c'est plus dans un rapport à l'histoire que le documentaire peut trouver sa place et sa résonance. Sylvain L'Espérance, donc je vous remercie. Merci. Je rappelle que votre prochain documentaire sur le rivage du monde devrait donc sortir à l'automne prochain dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal. On lui souhaite beaucoup de succès. Je suis Hamzat Boukhari, vous écoutez Amandla, l'émission d'information sur l'Afrique produite par le Grilla. Restez branchés sur CKUT 90.3, il est bientôt 20h et la lutte continue.